La muse malade. Ma pauvre muse, hélas, qu'as-tu donc ce matin? Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes, et je vois tour à tour réfléchie sur ton teint la folie et l'horreur, froides et taciturnes. Le succube verdâtre et le rose lutin t'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes? Le cauchemar d'un poing despotique et mutin t'a-t-il noyé au fond d'un fabuleux minturne? Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé, ton sein de pensée fort fût toujours fréquenté, et que ton sang chrétien coulât à flot rythmique, comme les sons nombreux des syllabes antiques, où règne tour à tour le père des chansons, Phébus, et le grand Pan, le seigneur des moissons.